Quand j'étais petite fille, je n'étais jamais seule. Elle était toujours là près de moi, marchant à mon rythme. Moi en rouge, elle en bleu électrique, échangeant tous nos fous rires. Quand j'étais petite fille, je partageais le reflet de ma sœur, de mon unique jumelle symétrique, de deux cœurs symbiotiques qui chantaient. Ma sœur, ma jumelle, ma moitié, mon tout, mon amour éternel, nous deux c'est si fou. Ma sœur, ma jumelle, ma moitié, mon tout. Si tu savais comme je t'aime, tu saurais. Quand j'étais petite fille, je n'étais jamais seule. Nous composions la musique d'une vie magique, partageant les genoux de papa. J'étais tellement fière de ça. Quand j'étais petite fille, je n'avais pas de secret. Elle comprenait tout de moi, mon ami symétrique. Quand mon cœur faisait un roi d'un garçon bien sympathique. Ma sœur, ma jumelle, ma moitié, mon tout, mon amour éternel, nous deux c'est si fou. Ma sœur, ma jumelle, ma moitié, mon tout. Si tu savais comme je t'aime, tu saurais. Je ne suis plus une petite fille, mais je ne suis jamais seule. Elle est toujours là, tout près de moi, m'offrant toutes les rimes de ses chansons, de ses musiques qui me font pleurer parfois. Elle n'est plus une petite fille, mais elle est toujours pour moi. Ma petite sœur, mon unique jumelle symétrique, nos deux cœurs symbiotiques s'aimer. Ma sœur, ma jumelle, ma moitié, mon tout, mon amour éternel, nous deux c'est si fou. Ma sœur, ma jumelle, ma moitié, mon tout. Si tu savais comme je t'aime, tu saurais rire de tout.